Chapitre 5. Des tables et des bancs de bois blanc à la porte du cabaret, quelques drapeaux aux fenêtres, un mât de cocagne sur la place devant l'église, des lanternes vénitiennes suspendues à des fils de fer traversant la route, accrochées d'une maison à l'autre, des baraques de joueurs de quilles et de tourniquets, deux voitures de sorcières dont les cheveux maigres paissaient sur le talus une herbe rare à l'entrée du bourg. Voilà ce qui indiquait que le billot était en fête. Pendant tout le jour, les paysans des villages voisins avaient erré par famille à petits pas dans l'unique rue du billot. Les buveurs seuls mettaient un peu de gaieté dans l'assemblée. Jean, qui avait quitté la ferme depuis le matin et déjeuné au cabaret, rencontra son oncle au pied du mât de cocagne, où montaient les gamins pour décrocher une montre en argent, une culotte et trois mouchoirs. « Où est l'artiste? Tu sais qu'à 4 heures, il y a la louée ?» Le jour de la fête, en Normandie, les domestiques des deux sexes qui cherchent une place se réunissent dans chaque village, sur la place devant l'église, à la sortie des vêpres. Les fermiers viennent les embaucher, les louer. Comme c'était la première fois qu'une louée avait lieu au billot, jusque-là on se rendait au village voisin. Il y avait affluence. « Oui, reprit le père Régalard, sais-tu ce que j'ai envie de faire? Notre vieille servante est malade depuis quelque temps. Je vais en prendre une qui l'aidera. Attends la louée avec moi. » Jean resta près de son oncle et quand sonna la sortie des vêpres, tous deux se joignirent au groupe formé sur la place. « Tu sais que j'en veux une gentille, » disait en riant le père Régalard. « C'est ça qui m'est égal, » répondit Jean, « belle ou pas ?» Après des pourparlers avec deux ou trois paysannes, à qui Jean trouvait un air bête, dont il se réjouissait, Régalard s'aboucha avec une solide gaillarde, d'une vingtaine d'années, au teint fleuri et ornée d'un agréable embonpoint. « C'est entendu, » disait l'oncle, « vous ne serez pas malheureuse chez nous. Vous ne vous occuperez que du ménage, et surtout, vous ferez des petits plats à mon neveu, que voilà. » Et Régalard, avec un clignement de l'œil, dit à Jean, « Voyons, te plaît-elle » Jean ne répondit pas, mais sourit avec un air d'indifférence. « C'est bon, » murmura Régalard à voix basse, « tu verras ça. » Le vieux rentier s'inquiétait que Jean n'eût aucune amourette dans le pays.